Only Your Music on RQC. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, Backstage Live, et j'ai choisi de partir dans la variété française avec un grand artiste qui nous a quittés il y a une paire d'années, et qui était tout simplement Michel Berger. Il nous avait sorti un dernier témoignage qui était Michel Berger au Zénith. Donc je vous parlerai de cet album et je vous parlerai plus aussi de qui était Michel Berger. Donc Michel Berger a sorti cet album à l'époque le 3 novembre 1986. Il est sorti le 3 novembre 1986 et il a été enregistré le 18 avril 86 au Zénith de Paris. Il est considéré comme de la pop rock, variété française, chanson française. Et c'est sorti chez Warner. Alors, juste avant de commencer, on va s'écouter ceci, juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Zénith, 18 avril 86. Michel Berger. Voilà, donc c'était la petite introduction de ce live de Michel Berger, donc Zénith 86. Alors, Michel Berger au Zénith 86, c'est un album live de Michel Berger enregistré donc fatalement au Zénith de Paris le 18 avril 86 et sorti en 86. Il s'agit du dernier album de la décennie de Michel Berger qui regroupe les succès de Berger et certains titres qu'il a écrits pour d'autres, notamment Quelque chose de Tennessee pour Johnny Hallyday et certains de son épouse France Gall. Il s'est vendu à 73 200 exemplaires jusqu'à présent. Voilà, donc c'est Michel Berger. On n'entend pas beaucoup parler de lui et malheureusement c'est un grand monsieur, ce Michel Berger. On va s'écouter le premier titre de ce live qui est tout simplement Le Prince des Villes. Backstage, les coulisses du son. Briller comme une étoile filante, c'est l'aventure qu'il est dans. Et puis cet étrange pouvoir dans le regard, vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. Besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et l'ennui de vinyle sont collés sur les murs. Mais rien n'est vraiment. Devenir fragile pour les princes divines, des idées. star. On les adore, on les jalouse, comme des maîtresses en la loue. On leur élève des statues, on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cultes, et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. Pas besoin d'argent dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et nos nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr. Des idées bizarres, vie au rythme des guitares, du rock and roll star, des rêves et des mots, vie au rythme des pianos. Des idées bizarres, vivre au rythme des guitares, rock and roll star, des rêves et des mots, vivre au rythme des pianos. Rock and roll show. Des idées bizarres. Des rock and roll stars. Des rêves et des des idées bizarres. Rock and roll star. Des rêves et des mots. Vivre au rythme des pianos. Voilà, donc c'était le prince, les princes des villes, le premier donc extrait de cet album Au Zénith 1986 de Michel Berger. Alors ben voilà, vous avez pu reconnaître certains musiciens déjà par la façon du son, déjà de leur son. Ben par exemple qui a accompagné aussi France Gall Berger, c'est le bassiste Yannick Top qui a aussi accompagné d'autres artistes comme Goldman aussi, Serge Perratonner au clavier, Philippe Perratonner batterie, Yves Sana, guitare Francis Coletta, saxophone Alain Tricat. Au choriste, il y avait Françoise Robert et Muriel Wagenheur. Il y avait des danseuses Stéphanie Roussel. Il y avait même un cascadeur acrobate Éric Blois. Une mise en scène et une chorégraphie réalisée par Pascal Guiel et Hervé Lebeau. Coordination musicale Yannick Top. Ingénieur du son Jean-Pierre Heineau. Décor Jean Haz. Design lumière Jacques Revelrolis. Et Rock Segovia, régisseur Mito, sonorisateur salle Marc Sanfilippo, sonorisateur scène François Dumont, éclairagiste Rock Segovia, des costumes Richard Starr et les habilleuses, l'habilleuse Lucia Grégory. Voilà, donc ça c'était pour vous parler un petit peu. Les gens qui entouraient Michel Berger à l'époque en 1986 pour ce live qui est vraiment extraordinaire. Moi j'aime bien, ça change un peu de ce que j'écoute d'habitude, mais voilà, c'est un grand grand monsieur Michel Berger. Alors qui était Michel Berger? Ben Michel Berger, son surnom c'était Michel Berger, son nom de naissance c'est Michel Jean Hamburger, donc voilà, donc Jean Hamburger, date de naissance c'est le 28 novembre 1947, à Neuilly-sur-Seine en France, et il est décédé le 2 août 1992 à 44 ans, un ramatuel, tout le monde se souvient, il était en train de jouer au tennis quand il a succombé d'une crise cardiaque. C'est un auteur, compositeur, interprète, producteur, musique, arrangeur musical, il était considéré dans le genre pop, chanson française, instrument qu'il jouait c'était du piano, du synthétiseur. L'année d'activité fatalement de 1963 à 1992, il était signé sur le label Pathé Marconi chez EMI Music de 1963 à 1971, donc 71, et puis Warner Music de 72 à 92, 92. Donc Michel Hamburger, dit Michel Berger, né le 28 novembre 1947 pardon, à Neuilly-sur-Seine, est mort le 22 août à Ramatuelle, était un pianiste, auteur, compositeur, interprète, directeur artistique et arrangeur musical. Il était l'époux de la chanteuse France Gall. Après, je vous parlerai un petit peu de la biographie de Michel Berger, puis on parlera un peu de sa carrière. Et là, on va s'écouter le troisième titre, enfin, on va dire avec le troisième titre, avec l'introduction que je vous ai passée. C'est Quelques mots d'amour, donc extrait de ce fameux live au Zénith de Michel Berger. En couleur, en concert, sur RQC. Il manque quelqu'un près de moi. Me retourne, tout le monde est là. Vient ce sentiment bizarre que je suis seul. Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital. L'air chaud peut être glacial. Des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie les sourires, les jours. Je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Dans ces boîtes pour danser. Les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer. Quelques mots d'amour. je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours. Je me sens plus fort. Ah. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure. Où les docteurs greffent les cœurs. Où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Voilà. Quelques mots d'amour, donc c'était le troisième extrait de Michel Berger. Alors, on poursuit cette programmation et ce backstage consacré donc à Michel Berger au Zénith 1986. Biographie, donc Michel Berger, né le 28 novembre 47 à Neuilly-sur-Seine. Il est le fils du professeur de médecine et néphrologue Jean Hamburger et de la concertiste Annette Hans, tous deux de confession juive et convertis au protestantisme. Il passe ses vacances à Saint-Sergue en Suisse. Il est scolarisé au lycée Carnot, Paris 17e arrondissement. Il fait des études de philosophie et obtient à 21 ans sa maîtrise avec l'esthétique de la pop musique, comportant une étude comparative de deux derniers albums de Jimi Hendrix. Il a été compagnon de Véronique Sanson. De son union avec France Gall, il a deux enfants, Pauline Isabelle, née le 14 novembre 1978, qui meurt le 15 décembre 97 d'une mucoviscidose, et Raphaël Micheliné le 2 avril 1981. Le 2 août 1992, Michel Berger meurt d'une crise cardiaque à la suite d'une partie de tennis dans sa propriété de Ramatuelle, dans le midi de la France. Il est inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. Je vais vous parler ensuite de sa carrière en tant que producteur et compositeur de Michel Berger. Et après, on parlera du chanteur qui était Michel Berger. Après, on parlera aussi de cinéma. Et oui, il avait plus de cordes, beaucoup de cordes à son arc, ce fameux Michel Berger. Là, on va s'écouter justement celui qui chantait. C'était Michel Berger. C'est celui qu'on a envie d'écouter aujourd'hui. C'est celui qui chante. Extrait donc de cet album Au Zénith de Michel Berger. Celui qui chante. Backstage. Les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Celui qui chante. Fait bouger l'ordre éternel. Celui qui chante trouve la vie, trouve le cri, l'enfant Dieu. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante son histoire, notre histoire, fond des yeux. Celui qui change des regards, vrai bonheur, tout au fond des yeux. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose emporte au-dessus de tout. Celui qui change. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Chante sans grandir, sans toute sa force. des doigts. Celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut l'atteindre. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, bien entendu, c'était le quatrième extrait du Zénith de Michel Berger. Alors, on va commencer par le côté producteur et compositeur du côté donc de Michel Berger. Il y a quand même des choses à dire. Il se fait connaître en tant que chanteur de l'époque de Salut les copains dans les années 1960 et sort en 1963 un premier EP 45 tours avec la chanson phare D'autres filles. D'autres 45 tours vont suivre mais n'accrochent pas le public. Il passe ensuite à la production chez EMI donc, où il écrit d'autres, entre autres pour Bourvil, le titre Les Girafes en 1967, et pour Vanina Michel, avec qui il a une histoire en 1969. Entré chez Warner Musician en 1972, il produit deux des premiers albums de sa compagne de l'époque, Véronique Sanson. En 1973, il relance la carrière de Françoise Hardy avec l'album Message Personnel et produit également son 45 tours suivant. Je suis moi en 1974. La même année, il écrit pour France Gall La Déclaration d'amour. Il relance la carrière de la chanteuse et produira tous ses albums à partir de 1975. Il l'épouse le 22 juin 1976. Michel Berger écrit avec Luc Plamondon l'opéra rock Starmania. Le double album studio sort en 1978. Il est notamment interprété par France Gall, Claude Dubois, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Workman, Eric Estève et Fabienne Thibault. Starmania, le spectacle créé au Palais des Congrès de Paris en 1979, remporte un vif succès, réitéré en 1988 avec entre autres Morane, Sabrina Leroy, Laurie, Renaud Hanson, puis avec des distributions différentes lors des reprises dans les années 1990. Une version anglaise nommée Tycoon sera réalisée en 1992. En 1982, il crée sa propre maison de disques Apache, distribuée par Warner Music France. En 1985, il écrit et réalise l'album Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday. Pour ce dernier, il réalise encore le live Johnny à Bercy, captation du show Johnny se donne à Bercy, qu'il met en scène et Khalidé donne en septembre 1987 au Palais Omnisports de Paris-Bercy, avant de réaliser celui de France Gall à la fin de la même année, le Tour de France 88. Je continuerai tout de suite après une page musicale. Et là, justement, je vous parlais de Johnny Hallyday. Et on va s'écouter Diego Libre dans sa tête. Donc c'est le cinquième extrait qu'on s'écoute de Michel Berger. En couleur, en concert, sur RQC. Diego Libre dans sa tête, c'était le cinquième extrait de ce fameux live. Bon, comme on peut constater, c'est des chansons courtes mais efficaces et qui ont marqué quand même leur époque, hein, et qui marquent toujours leur époque. On se souvient, bah oui, bah c'est Michel Berger, voilà. Et c'est pas Johnny, comme on pourrait le croire. En 1988, dans une interview à Michel Denisot, il déclare être fasciné par Edward Locke et Duke Ellington, le film Amadeus, Jacques Kirschach et Vanessa Paradis. On lui tape beaucoup dessus et c'est très très bon signe. Elle va devenir une très très grande vedette. Là aussi, il ne s'est pas trompé à l'époque en 88, car Vanessa Paradis quand même a très très très bien, et elle est une grande vedette maintenant. En 1990, il compose un nouveau spectacle musical dont les textes sont toujours écrits par Luc Plamondon, La Légende de Jimmy, inspirée de la vie de James Dean, avec Diane Tell, Renaud Hanson, Tom Novembre, Nanette Workman, et une mise en scène signée Jérôme Savary. Ce spectacle obtient peu de succès. Il compose également plusieurs musiques de films, Kmekbout d'Ali Ghalem en 1970, Sérieux comme le plaisir de Robert Benayoum en 1975, Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rapneau en 1982, Rive droite, rive gauche de Philippe Labro en 1984. Il compose aussi les musiques de films publicitaires, dont celle d'Orangina. Il fait partie des artistes français à s'être engagé de très près dans des œuvres humanitaires, particulièrement pour celle d'Action École en 1985 aux côtés de France Gall, Richard Berry et Daniel Balavoine, mais aussi pour l'Éthiopie avec Renaud, Chanteurs sans frontières, et pour les Restos du cœur avec Coluche. Le 12 juin 1992 sort un album interprété pour la première fois en duo avec France Gall qui s'appelait tout simplement Double Jeu. Je vous parlerai après du chanteur qui était Michel Berger. Juste là, on parlait de Daniel Balavoine, ses actions aussi qu'il faisait avec lui, aussi bien aussi avec Jean-Jacques Goldman, avec Michel Colucci. Donc il était quand même très très très impliqué et tout ça le touchait fort. Et là, ben, encore une fois, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est le sixième extrait qu'on va s'écouter de l'album live de Michel Berger au Zénith. Vous écoutez Backstage. Regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu. Chose qui fait mal, fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra les bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux quelque chose qui fait mal, fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Quelque chose qui fait mal quand je pense à eux. mal, ça fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà, donc on continue avec Michel Berger, côté chanteur. Eh bien, on va découvrir des choses et vous allez apprendre peut-être des choses que vous ne connaissiez pas, on ne sait jamais. La carrière du chanteur de Michel Berger débute donc dans les années 1960, période du chanteur Yéyé. Celle de Salut les copains. Mais après avoir enregistré des 45 tours qui ne racontent pas grand, qui rencontre pas grand, un grand succès, il retourne à son rôle de directeur artistique chez Pathé Marconi jusqu'à ce qu'il enregistre son premier album solo, Michel Berger, communément appelé Cœur brisé. En 1973, après le départ de Véronique Sanson, seuls les titres Pour me comprendre et Attends-moi émergent de l'album. Le premier succès de Michel Berger date de 1973 avec Écoute la musique. Quelle consolation fantastique, juste après sa rencontre avec sa nouvelle muse, France Gall. En 1975, il connaît un succès mitigé avec l'album Que l'amour est bizarre dans la chanson éponyme et Seras-tu là sont les deux plus réussis. L'année suivante, seule la chanson Mon piano danse, extrait de l'album homonyme, connaît un modeste succès. Mais c'est en 1980 que l'année charnière est pour Michel Berger. Cet nouvel album, Beau Séjour, connaît trois grands succès au public. La groupie du pianiste, Quelques mots d'amour et Celui qui chante. La même année, il monte sur scène au théâtre des Champs-Élysées avec le même succès. Je continuerai après sur la carrière du chanteur. Et là, on va s'écouter Si Maman Si, une chanson qu'il avait écrite pour France Gall, enregistrée donc au Zénith de Paris. On va s'écouter cette chanson. Backstage, les coulisses du son. Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. formidable, merci. Je voudrais chanter une chanson que je chantais à deux voix avec Daniel Balavoine. Alors, je voudrais chanter cette chanson qu'on chantait ensemble qui s'appelle La Minute de Silence, et je voudrais vous demander à la fin de la chanson de ne pas applaudir et de faire un moment de silence. Alors n'oubliez pas, à la fin de la Minute de Silence, on n'applaudit pas. Voilà, donc c'est le titre qu'on se passera tout de suite après. Hein. Mais voilà, bon, je voulais laisser jusqu'à la fin. Ce qu'on entend aussi dans le fond, là, quand on entend un gros boum boum boum, bah, c'est des gens, je ne sais pas si vous avez déjà été au Zénith ou à Forêt Nationale, ben, les gens ils s'amusent à taper des pieds dans les gradins et ça fait vibrer tout. C'est une drôle d'atmosphère, c'est génial. Voilà. Alors, Michel Berger aligne encore d'autres succès comme Mademoiselle Chang en 1981, Voyou et Le Prince des Villes en 1983. Chanté pour ceux qui sont loin de chez eux et Il n'y a pas de honte en 1985. Après un concert au Zénith de 86, année de la mort de son ami Daniel Balavoine et Coluche, il n'écrit à partir de cette période que des chansons pour France Gall, pour l'opéra rock La Légende de Jimmy, et en 1988 réalise avec sa propre équipe de musiciens la version d'Alla tirée de l'album de Véronique Sanson, Moi le Venin, figurant sur l'album, tandis que la version initiale, différente et plus courte, sort sur un simple CD maxi. Ce titre est censuré et à la suite de l'affaire des versets sataniques de Salman Rushdie, lui vaut de recevoir des menaces de mort. La chanson raconte les périples d'une femme kamikaze, interprétée dans le clip par Yaman Abbas. Pour les auteurs de ces menaces, la chanson est sacrilège, alors que selon la chanteuse, c'est une chanson pacifiste. Il revient en tant que chanteur avec l'album « Ça ne tient pas debout » dont « Le paradis blanc » en 1990, qui sera son dernier succès en solo dans « Lunettes noires » pour une nuit blanche en 1990. Il raconte que le premier disque qu'il a acheté était de Ray Charles. Deux autres succès se trouvent dans l'unique album enregistré en duo avec France Gall en 1992, Superficiel et Léger, et Laisser passer les rêves. Tout de suite après le titre qu'on va s'écouter, qu'il a annoncé lui-même hein, sur l'album, qui est La Minute de Silence, je vous parlerai de Michel Berger au cinéma et des hommages à Michel Berger. Là, c'est La Minute de Silence, donc le 8e extrait qu'on s'écoute de Michel Berger. En couleur, en concert, sur RQC. Un soir, tu verras les brouillons dans leur cachette. Pouvoir, tu sortiras les disques de leur pochette. Notre histoire, tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, pose doucement un doigt devant ta bouche. Lutte, efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent. Brute, ces images qui nous plongent dans la solitude. Reste de nous, immobile et debout, une minute de silence, ce qu'il reste c'est tout, de ces deux cœurs immenses, qui s'amusaient de tout, et fait si tu y penses. Venir de nous, une minute de silence. Écoute passer mes nuits blanches. dans ces volutes de fumée bleue. Cette minute de silence est pour nous deux. Cette minute de silence est pour nous deux. Voilà, ça fait drôle, là, là, le public n'a pas réagi et a vraiment respecté ce qu'il avait demandé, de faire une minute de silence en hommage à son pote Michel Berger et aussi Daniel Balavoine et Coluche. Alors, Michel Berger et le cinéma. À la fin des années 84, Michel Berger manifeste un certain intérêt pour le cinéma. Beaucoup de ses proches diront que le chanteur allait vers une vie derrière la caméra. Désireux d'apprendre à manier l'outil cinématographique, il réalise en 1987 et en 88 le clip de France Gall, Babacar, celui de Papillon de nuit au début des années 90. Il rencontre Jacques Kirchach. Les deux hommes ont un intérêt commun, la place de l'artiste dans la société. Ils travaillent ensemble à l'écriture d'un film totem, mais le projet n'aboutit pas à cause de la mort du chanteur. Après, donc je vous avais dit en hommage, en 2012, la mairie de Paris lui rend un hommage en donnant son nom à une allée au parc Monceau. Le 4 novembre 2015, au Palais des Sports de Paris, a lieu la première représentation d'une comédie musicale de France Gall et de Bruck Dawit, Résiste, reprenant certaines de ses chansons. On continuera la programmation, on va continuer, je vous parlerai un petit peu, si vous êtes intéressé, de tout ce qui est discographie de Michel Berger, des albums live, de l'opéra rock, de sa filmographie, et tout de suite après un titre qu'on va s'écouter, qui est tout simplement « Il n'y a pas de honte à aimer ça, tout le monde connaît cette chanson, j'en suis sûr et certain. Vous écoutez Backstage. Aimer la musique sur trois accords. Si les voisins sont pas d'accord, poussez à fond les boutons dans le roux. Que mon chien chante, faut qu'il bouge, parce que y'a pas de honte, y'a pas de honte à aimer ça. Non, non, non, y'a pas de honte, y'a pas de honte à aimer ça. Les faux espoirs, les mauvaises habitudes. Vouloir de l'amour, mais du vrai. Pas celui qui rime avec, jamais. Parce que y'a pas de honte, y'a pas de honte à aimer ça. Y'a pas de honte. L'argent et le pouvoir, on les connaît, on veut plus les voir. Plus jamais aller seul au cinéma, pas pour le film et pour ce qu'on y fera. Parce que y'a pas de honte, y'a pas de honte à aimer ça. Non, non, non, y'a pas de honte, y'a pas de honte à aimer ça. Y'a pas de honte. Y'a pas de honte. Non, non, y'a pas de honte. Pas de honte. Non, non, pas de honte. Pas de honte. Y'a pas de honte. Y'a pas de honte à aimer ça, non pas de honte. Il n'y a pas de honte, voilà, c'était donc Michel Berger, backstage consacré à l'album Au Zénith de 86. Alors, dans les albums studio, en 71, Puzzle, en 73, Michel Berger, en 74, Chanson pour un fan, en 75, Que l'amour est bizarre, en 76, Mon piano danse, en 80, Beau séjour, en 81, Beau rivage, en 82, Dream in Stone, en 83, Voyou, en 85, Différence, en 90, Ça ne tient pas debout, et en 92, Double jeu avec France Gall. Les albums live, en 80, Michel Berger au Théâtre des Champs-Élysées, en 83, Michel Berger au Public du Palais des Sports, et en 86, celui qu'on s'écoute, Michel Berger au Zénith. En opéra rock, on a en 1978 Starmania, ou La Passion de Johnny Roquefort, selon les évangiles télévisés, opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. En 79, Starmania, le spectacle opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon en public au Palais des Congrès. En 82, Dream in Stone de Michel Berger, l'album studio enregistré aux États-Unis, co-arrangé par Michel Brenholk. Cet album a été un succès pour cela qu'il reste méconnu, notamment en France. Quelques traces restent sur des sites extérieurs. En 88, Starmania, deuxième version enregistrée en CD au Théâtre de Paris, puis en 89 au Théâtre Marigny. En 90, La Légende de Jimmy, opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, album studio. En 92, Tycoon de Michel Berger, Luc Plamondon et Tim Rhys, album studio, adaptation anglaise de Starmania. Filmographie, compositeur en 70, Makebook d'Ali Galman. En 75, Sérieux comme le plaisir de Robert Beinaou. En 82, Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rapneau. En 84, Rive droite, rive gauche de Philippe Lambreau. En 87, L'amour et Blette, court-métrage de Magali Clément. On aperçoit également Michel Berger en chef des Explosifs aux côtés de Michel Fugain et de Michel Sardou en étudiant résistant, trois figurants non crédités dans le film de René Clément, Paris brûle-t-il, en 1966. Juste avant de vous donner le détail de l'album du Zénith de Michel Berger, on va s'écouter Mademoiselle Chang, donc de cet album. En couleur, en concert, sur RQC. Mademoiselle Chang, loin. Elle s'est cachée derrière son regard. Toutes ses joies et tous ses espoirs. Mademoiselle Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Chang, Voilà, donc c'était pour conclure le backstage live au Zénith. Là, aujourd'hui, c'était consacré à Michel Berger, au Zénith de 1986 de Michel Berger. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Donc, en attendant, bah, restez bien branchés sur RQC 95 FM. Voilà, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Ciao, ciao à toutes et à tous. Ce sera musclé. Mais dans la...